Salut les marques et les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, je suis accompagné de l'incroyable Hank, et vous êtes là pour la review totale de la New Japan Pro Wrestling Dominion J1 Special USA San Francisco. Hank, comment vas-tu? Toujours aussi bien après ce démarrage foiré qui est la marque de Catch Up, hein, Catch Up, le podcast fait à la main et Voilà. quelquefois un peu de façon brouillonne, mais voilà, on essaie de faire au mieux. C'est ça, on ne peut rien vous cacher hein. Si vous venez d'arriver, effectivement, on est sur un fail de début de show. Le temps qu'on édite, Voilà, spécialiste de l'édition ces derniers temps. c'est ça, mais rassurez-vous, ce sera mieux la prochaine fois. Hein. Donc, on est là pour parler Puro Resu, hein. On va vous faire la review des deux plus gros shows de la New Japan Dominion. C'est le plus gros show après le Wrestle Kingdom et le G1 spécial San Francisco. Le Japon, la New Japan à la conquête des USA, des États-Unis, pour ceux qui ne parlent pas le yaourt. Allez, on va démarrer pendant que je fais un petit peu le ménage dans mon écran. On démarre avec le premier match de la soirée de Dominion, la défense du titre AWGP Junior Tag Team. Le Suzuki-Gun, les représentants du Suzuki-Gun, Desperado et Yoshinobu Kanemaru, affrontent Roppongi 3K, Cho et Nyo. C'est les Suzuki-Gun qui sont champions, qui défendent leur titre dans un match opener solide. Qui se termine sur une tricherie du Suzuki-Gun, coup de bouteille de whisky dans la face des petits prodiges de Roppongi 3K. Défaite des Roppongi 3K, à la surprise générale. On pensait vraiment que le Suzuki-Gun allait perdre la ceinture, mais ce n'est pas encore pour cette fois. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Oui, donc je vais répéter ce que j'ai dit il y a 2 minutes et qui n'a pas été enregistré. J'ai pas été très marqué par ce match, hein. Bon, après, là, je reviens de, comme je disais là avant, j'ai regardé quelque chose comme 8 heures de match ce week-end. Donc, c'est parmi tous les matchs que j'ai vus, c'est vraiment pas un qui m'a trop marqué. Donc, du coup, voilà, je suis pas non plus super fan de la tag team là, de Suzuki-Gun. Donc, pour l'instant, je trouve que ils ont pas. Enfin, le buzz en ce moment est plutôt vers la ceinture heavyweight tag team, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont en bas de la carte, j'imagine. On est vraiment dans le bas de la carte de la New Japan, ça c'est sûr. Les Roppongi, ils avaient fait sensation quand ils étaient arrivés, je crois, avec une victoire sur les Young Bucks, hein, si je dis pas de bêtises, le premier soir où ils ont débarqué. Depuis, ça se tasse un peu. Moi, j'aime bien Yoshinobu Kanemaru. Desperado, il est pas mauvais, mais après, c'est sûr que le booking de Suzuki-Gun, c'est toujours un petit peu délicat. C'est pas ce qu'on préfère à la New Jap. On reste sur un solide petit opener de show. Maintenant, c'est sûr qu'il n'y a rien de spécial. C'est quand même assez surprenant de voir le Suzuki-Gun conservé. Je crois qu'ils sont encore champions à l'heure actuelle, hein, si je dis pas de bêtises. On verra bien ce que ça nous promet pour la suite. Mais en tout cas, bon, c'était une bonne manière d'ouvrir le show. Ils n'étaient pas là pour voler la vedette, quoi, on va dire. On va enchaîner avec un petit tag team match des familles. David Finlay et Juice Robinson affrontent une team Chaos, Jay White et Yoshihashi. Alors on sait que ça s'aime pas hein, entre que ce soit David Finlay ou Juice Robinson et Jay White. C'est la victoire de ce qu'on va qualifier peut-être de gentil, David Finlay et Juice Robinson, le très populaire Juice Robinson, qui juste après hein, va un peu se mettre en avant, se positionner pour devenir le challenger de Jay White. Et ils se rencontreront au G1 spécial de San Francisco. Et le tombé, c'était je sais plus qui c'était. Est-ce que c'était Juice sur Yoshihashi ou Il me semble. Ouais, enfin. C'est ouais, alors là j'ai plus le Ouais, détail, je vais pas mais pouvoir pas en trop tout cas, m'avancer. en tout cas, ouais, j'ai vraiment bien aimé ce match. J'en ai un vraiment bon souvenir. C'est un match du coup qui construit en effet vers. C'est en ça que c'est plutôt sympa de faire la review de pay-per-view en même temps là, parce que c'est un match qui construit directement celui qui va arriver au G1 Special. Par contre, il me semblait avoir vu que Finlay avait promis il y a longtemps du coup à Jay. Il n'y a pas une grosse histoire entre Finlay et Jay White? Alors Jay White et Finlay, ils étaient ensemble, Young Lions, pendant longtemps. Moi, quand j'ai démarré à regarder vraiment assidûment en 2015, la New Japan, c'était eux les deux Young Boys, ou Young Lions qui ouvraient les shows à chaque fois. Et ils n'arrêtaient pas de faire des combats un contre un, l'un contre l'autre, quoi. Donc ils ont fait vraiment tout leur apprentissage ensemble. C'est un peu des rivaux de toujours, quoi, en quelque sorte. D'accord, parce que ouais, je croyais que Finlay lui avait un truc, genre lui avait promis de lui choper la ceinture. Mais en tout cas, Ouais, ils se donc. sont affrontés après, hein. Finlay Jay White, il y a D'accord. eu un match gagné par Jay White, hein, D'accord. qui était plutôt sympa. Je ne sais plus c'était à quelle occasion, un des shows Mais qui là, s'est passé. ouais, donc du coup, Juice. Juice qui du coup ouais, clairement a prouvé avec ce match, enfin a mis vaguement en doute Switchblade en match. Après Switchblade, j'ai l'impression que son histoire aussi c'est un peu il se fait battre très souvent sauf quand c'est pour le titre quoi. Dans les tag teams etc. Il se fait souvent avoir Jay White, mais par contre en 1 contre 1. Moi je vais en reparler pendant le G1 Special. C'est un des personnages que j'aime le plus de toute la New Japan Switchblade en ce moment. Je trouve qu'il est vraiment excellent dans l'aspect vicieux. C'est vraiment un heel. Enfin bref, on en reparlera dans l'un contre un, mais c'est vraiment un heel comme il en manque justement à la WWE par exemple. C'est-à-dire que c'est un heel intelligent mais pas tricheur et surtout mais d'une enfin viciosité, je ne sais pas si ça se dit, mais que ouais bref, j'ai vraiment beaucoup Bah, aimé est-ce qu'on Finlay. n'enchaînerait pas sur ce match Jay White Juice Robinson, ou on garde ça Non, on va pour le, plus non, on va, tard? on va le garder Allez, pour plus tard parce que on le sinon garde je vais plus être tard. perdu dans mes fiches. D'accord, donc gros fan de Switchblade, Hank. Moi, Ouais, ouais, toi t'es dis-moi. moins, je crois que t'es un peu moins chaud. Et je pense que même le public avant le G1 Special, Jay White était un peu pas très bien vu et il y a beaucoup de gens qui demandaient que Jay White n'ait plus la ceinture et que il la méritait pas en fait. J'ai l'impression que beaucoup de gens pensaient qu'il méritait pas la ceinture US. Il l'a un petit peu eu facilement contre Omega. Ouais, quand même une victoire sur Omega, hein. Il fait tomber Ouais. Omega, hein. Ça s'est pas donné à n'importe qui alors qu'il n'avait pas convaincu jusqu'ici. Son match avec Tanahashi au Wrestle Kingdom, ça avait pas convaincu grand monde. Maintenant, c'est sûr que c'est peut-être pas forcément sa faute si le match de Wrestle Kingdom n'était pas fantastique. Tanahashi, il est quand même plutôt jeune, il est quand même pété de partout. Son match avec Omega était vraiment très très bon. Ouais. Moi, ce qui me perturbe le plus, enfin qui m'embête le plus chez Jay White, c'est simplement sa gimmick, je trouve, qui est pas trop adaptée à son physique, quoi. Il y a un décalage entre sa gueule et le personnage qu'il essaye de retranscrire, mais il a frappé fort. On reverra tout à l'heure au G1 spécial, et effectivement. Je trouve que ça a son. Après, ouais, chacun sa préférence. Je trouve que ça a son charme, justement, le fait que il est assez. Je vais pas dire frêle, mais il est assez. Poupon. Ouais, voilà, il est poupon, il est petit, etc. Et donc, du coup, j'aime bien le côté genre petite. En fait, c'est une petite frappe qui se prend pour un super méchant. Toute la symbolique avec le couteau, etc., qui fait que, je sais pas, je le vois comme une espèce de chef de petit malfrat. Dans un futur, enfin dans un film futuristique, il a toute cette imagerie, etc. Son sister Abigail qui s'appelle Blade Runner, tu vois, c'est pareil. Enfin, j'aime bien toute l'ambiance, mais bon, chacun, comme je disais, ouais, chacun ses préférences. Et Camille qui nous dit dans le chat que il lui semble c'est Jay White justement qui a pris le tombé. Ouais. Camille qui souligne aussi que Robinson, Juice Robinson était plombé à NXT par son gimmick. Parce qu'on se souvient que c'était CJ Parker, je crois, son nom, Ouais. à NXT. Effectivement, Après, il a ouais. Le complètement explosé à la New Japan. truc, c'est qu'il a pas de C'est. gimmick à la New Japan. Ah, il a un gimmick old school Ouais. façon comment Dusty Rhodes quoi où vraiment les catcheurs un peu flamboyants c'est ça Ou même, ouais, son ou même le truc vieux Shawn Michaels, quoi, celui froufrou, quoi. voilà catcheur vraiment à l'ancienne bon il a musclé son jeu aussi de manière assez exceptionnelle hein. Maintenant Ouais. je dirais il catchait pas aussi bien quand il était à NXT. On voit quand même qu'il y a une différence entre ce qu'ils apprennent au dojo de la New Jap et ce qu'ils apprennent ici quand même. Et ouais, bah oui, bah ça fait du bien de faire des excursions, d'aller dans des autres pays, tester des nouveaux trucs. On les connaît les limites d'NXT quand même hein, au niveau de la formation. Ouais. Après, c'est pas la Avec même époque. Enfin, c'est aussi je pense, l'époque où Juice était encore là. C'était pas vraiment. On n'était pas encore dans la très bonne comment période d'NXT qui a commencé il y a 3 ans. Moi il est parti quand Kevin Owens est arrivé. Ah, il a quand même. C'est au moment où. Maintenant, ouais, maintenant n'empêche que voilà, quand tu vois des trucs comme Nové Rosé ou des machins comme ça, Oui, il y en a toujours. c'est quand même plus efficace. Tu vois, même le drifter Elias, Ouais. c'est quand même pas fantastique ce qu'il faisait à NXT, etc. C'est voilà, on se retrouve quand même avec un catcheur beaucoup plus spectaculaire avec Juice Robinson. C'est un peu comme EC3, quoi. Les mecs, ils ont rien de spécial quand ils sont à NXT. Ils s'en vont et puis ils prennent d'un seul coup une nouvelle ampleur. Mais ça, c'est le bénéfice aussi d'aller catcher un peu partout. Ouais. N'y a pas de secret, hein. C'est un peu clos à NXT. Donc forcément, Bah, c'est le problème, hormis. c'est tout le monde apprend. Enfin, à part justement ceux qui viennent de l'Indé, tout le monde apprend les mêmes choses. Donc, C'est ça. C'est ce qui ça. va différencier les gens, c'est juste le personnage. Mais c'est. Enfin, construire son moveset soi-même, ça paraît peut-être un peu plus difficile à NXT. Il y en a certains qui y arrivent, mais au bout de. Patrick Clark a quand même mis quelques années hein, Ouais. avant de construire Velveteen Dream. Avant, ça restait quand même un jobber glorifié, comme on dit. Bref. Allez, revenons au match. Allez, nous on n'est pas là pour parler d'NXT. Ouais, voilà. Voilà, bon, on reviendra sur le cas de toute façon Robinson et White un peu plus tard dans l'émission. Avançons avec encore les petits matchs un peu amuse-gueule hein, de la soirée. Évidemment, un match tag team. Encore une fois, hein, ça se passe comme ça au Japon. L'ouverture, c'est toujours des matchs un peu tag team. C'est le Suzuki-Gun encore qui est de retour avec cette fois-ci le patron Minoru Suzuki. Et son apprenti Zack Sabre Jr., l'anglais, qui affronte encore une fois les représentants de Chaos, Tomohiro Ishii et Toru Yano, le rigolo Toru Yano. Donc, ça se fout salement sur la gueule entre Suzuki et Ishii, évidemment. Et de l'autre côté, Zack Sabre Jr. s'occupe de Toru Yano. Il va réussir à le piéger dans une prise de soumission dont il a le secret. Pareil, Minoru Suzuki va réussir à piéger Ishii. Et on a un abandon de Toru Yano. Alors, il va, Tanruy Anno va tenter le coup bas, hein, évidemment, qui va être bloqué par Saber, et Saber va le bloquer en soumission. La rivalité continue entre Ishii et Suzuki, qui vont se foutre sur la gueule après le match, hein, et ils vont aller se tabasser jusque dans les coulisses. Voilà, encore un match assez court, mais on est content de voir Ishii se foutre sur la gueule avec Suzuki. Ouais, je trouve que les quatre, donc du coup, il me semble qu'ils ont un autre match au G1. Je trouve que les quatre fonctionnent vraiment très bien ensemble. Il y a clairement deux associations dans des genres complètement différents et qui fonctionnent. On a l'espèce de rivalité sans être une rivalité Saber Junior Yano parce que Yano on nous rappelle que Yano a déjà battu Zack Saber Junior. Bon, bien sûr, Yano quand il gagne c'est genre c'est peau de banane, c'est il y a une erreur quelque part et comment Suzuki et Ishii qui si on les laissait faire feraient un match de MMA je pense. Parce qu'ils passent leur temps à se foutre des mandales. On a presque l'impression qu'ils en ont rien à faire de gagner. Ils veulent juste se foutre des pains dans la gueule tout le temps. C'est ça. Ouais, je crois que c'est leur kiff un peu de se mettre sur la gueule comme ça. Ouais, non, c'est vraiment le charme. Ouais, j'aime beaucoup ces matchs. Tout le monde a une grosse personnalité, je trouve, enfin bon, Suzuki, c'est, je vais apprendre rien à personne, quoi. C'est un monstre de personnalité, de selling, enfin, pas de selling, mais je sais pas comment dire, ses réactions, etc. C'est-à-dire que L'acting justement, dans le ring, ouais, ouais. voilà, il sell le no sell, en fait, Suzuki. Il adore no seller les trucs, mais en même temps, on y croit. Parce qu'il est violent et que c'est le mec le plus comment c'est le chef des Yakuza quoi là-bas mais donc voilà et puis ouais c'est drôle de voir aussi c'est drôle de voir Zack Sabre Jr. se faire balader un petit peu C'est ça. Ça fait plaisir quand même parce ouais qu'avec son voilà parce qu'en sa vrai. carrure là, Dablette, Voilà. ça va 5 minutes hein, de le voir faire taper tout le monde, etc., etc. Voilà, une bonne petite défaite contre Toru Yano, ça lui fait pas de mal. Donc voilà, ouais, non, c'était amusant ce premier match. Et bon, là, on reparlera du deuxième un peu. Mais alors, j'ai adoré le finish du deuxième au G1. Ouais, on reviendra. Il est encore meilleur le match du G1. Allez, on enchaîne avec le Never Openweight Championship qui est détenu par Hiroki Goto. C'est un triple threat, alors ça aussi, c'est pas banal à la New Japan. Hiroki Goto donc, affronte d'un côté Michael Elgin, le Canadien, et de l'autre Taichi du Suzuki-gun. Taichi, le chanteur de charme. Qui a réussi à s'incruster hein, dans le championship, un peu à la manière de. Comme l'aurait fait The Miz, par exemple, à la WWE. Alors, on pensait que Taichi allait en profiter dans cette configuration pour shipper la ceinture, avec une petite tricherie des familles, un petit coup de micro dans la gueule ou un truc comme ça. Mais malgré toutes ces petites filouteries, c'est pas lui qui l'emporte, c'est bien le Canadien, Michael Elgin. Après, en faisant, il fait tomber sur Taichi, hein, je crois, après un enchaînement de powerbomb. C'est pas le champion qui prend le pin, qui prend le tombé. Michael Elgin, nouveau champion Never Openweight, ancien champion intercontinental, hein, Michael Elgin, qui ressort d'une sale histoire aux États-Unis. Il est un petit peu expatrié au Japon à l'heure actuelle. Bon, il va reperdre la ceinture une semaine après. Hein. Goto va récupérer son titre à Kizuna Road ou Kazuni Road, je ne sais plus le nom. Excellent match d'ailleurs entre Elgin et Goto. Très très grosse démonstration d'Elgin. C'est un peu entaché parce que Elgin se prend un sale coup en début de match. Il a la tête qui enfle tout au long du match. Il n'a pas l'air bien, mais il fait des démonstrations assez incroyables de force. Et Goto, ben, il fait le selling dont il a le secret. Mais bon, Goto récupère le titre. Bon, Ça, c'était ce qui s'est passé une semaine après. Pour ce match-là, c'était encore une fois un triple threat efficace. On a des bons gars dans ce match-là et on est content de voir Elgin gagner. Enfin, Ouais. je pour ma part, hein. Je sais Moi, pas pour toi. le seul vague bémol que j'aurais mis à ce match, c'est que Taichi servait vraiment à rien. Enfin, Ouais. servait vraiment à pas grand-chose et que à la moitié du match, j'avais plus envie de voir juste Goto contre Elgin que voir Taichi intervenir à droite à gauche et puis repartir en dehors du ring et dormir pendant 5 minutes. Mais ouais, Elgin contre Goto, bah c'est encore de la grosse brute contre grosse brute. Même si, enfin, je parle de grosse brute, mais Elgin, il est super athlétique aussi. Hein, il y a des trucs qui Ouais, il est fait. dans une forme incroyable, hein, Elgin, en ce moment. Et ouais, il fait des choses que peu de gens font, hein. C'est du calibre de Cesaro, Elgin, hein. C'est puissance incroyable dans le ring, de la technique. Ouais, pour ce qui concerne Tai Chi, moi je pense que Tai Chi il est un peu tricard parce qu'il a fait un match contre Tanahashi où il a failli tuer Tanahashi sur une powerbomb loupée. Et je pense que depuis, ils ont un petit peu calmé le push. Voilà, pour le reste, Hiroki Goto il a l'air d'être aimanté au championnat Niver. Moi, j'aimerais bien voir des mecs de la division de junior un peu se frotter à Goto. Par exemple, un Kushida Goto, ce serait vraiment pas mal pour essayer d'avoir le titre, puisque normalement, c'est ouvert à toutes les divisions de poids. Donc, Ouais, puis Kushida, comme on en parlait le coup, donc du coup sous Skype, c'est vrai qu'en ce moment il est un peu à la traîne. Donc bon, c'est pas son année. c'est un peu la ceinture, enfin Never Open Weight, c'est un peu la ceinture pour les gens qui n'ont pas de ceinture quoi. C'est ça. toutes les Il ceintures commence à y importantes avoir. sont prises, donc bon, voilà. Voilà, commence à y avoir beaucoup de ceintures à la New Japan. Ouais. Donc voilà, bah en tout cas, c'était encore une fois un bon match, hein, Ouais, on va pas se mentir, non. hein, Non, mais on vous dira quand il y aura un mauvais match, mais. c'était un vraiment bon match pour débuter une soirée. Enfin, pour débuter une soirée, on en est quand même, je sais plus, au troisième ou quatrième match, mais voilà, c'est toujours sympathique. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une très bonne gestion dans les deux pay-per-view. Il y a une très bonne gestion de la montée en qualité des matchs. Donc, on va voir Ouais, ça. c'est souvent le cas à la New Japan. Allez, un peu plus de star power. L'IWGP Heavyweight Tag Team Championship. Les Young Bucks affrontent les champions. Los Ingobernables des Japón. Les King of Evil et Sanada. King of Darkness, pardon. Evil et Sanada. Évidemment, avec les Young Bucks, c'est un match qui va à 100 à l'heure avec 1 milliard de spots tout au long de l'aventure. Et c'est la victoire des Young Bucks qui s'impose. Hein. Ils viennent de monter dans la division heavyweight et ils frappent tout de suite très fort en battant le futur hein, de la New Japan, Evil et Sanada, dans un match qui était exceptionnellement cool. Les Young Bucks, ils sont dans une forme incroyable. D'un côté, je crois que c'est Nick Jackson qui fait des trucs de fou, tandis que Matt Jackson, lui, il vend son dos, hein, son problème de dos. Donc ça fait toujours des constructions assez efficaces au niveau du storytelling. Derrière, Evil et Sanada, hein, qui font le job comme il faut. Voilà, ça c'était encore un grand match. Hein. Qui ont évité, je crois, peut-être deux fois le Metzer Driver ou un truc comme ça. Et ouais, donc du coup, il y avait. Alors c'est bizarre, j'ai trouvé que dans ce match, j'ai énormément aimé ce match. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé que Sanada, du coup, paraissait. Je vais pas dire à l'ouest, mais il s'est fait avoir un nombre de fois dans ce match où on avait vraiment l'impression qu'il avait pas la vitesse en fait pour calculer ce que faisaient les Bucks malgré quelques jolis spots. Le moment où il a fait un double drop kick sur les deux. Du coup après il a retenté le spot et là il s'est fait avoir. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup, ouais, Evil qui essaie de ralentir un peu le truc, et puis, mais les Bucks qui vont à 100 à l'heure et qui sont d'une précision quand même qui est assez incroyable. J'aurais toujours, enfin je dis toujours, ça dépend de leur match, mais j'ai encore ce bémol sur les Bucks où il y a des moments où j'aimerais qu'ils scellent un poil. Genre, y a des moments où ils se prennent, je sais pas, ils se prennent une souplex et puis ils se relèvent juste comme ça. Bon après c'est pas rare hein, dans les matchs à la New Japan, ça s'explique par le mec qui atterrit bien, contrairement à, enfin qui réussit à s'en sortir juste à la moitié à la moitié de la souplex. Mais donc voilà, ouais, les Bucks qui se sont sacrifiés à mort hein, sur ce match, et puis qu'ont sûrement, enfin dans l'histoire du match, qu'ont sûrement plus une science de toutes les possibilités qu'on a en tag team. Il y a aussi, je crois, il y a aussi en miroir le fait que Sanada fait tomber. Je sais plus si c'était Matt ou Nick Jackson, et ensuite c'était l'inverse quand ils étaient sur le bord du ring, et à chaque fois ils se sont pris la tête sur le coin. J'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de spots un peu en miroir, quoi. Il y a eu beaucoup de je tente ça, ouais, bah je vais te faire la même chose. Donc voilà, mais c'était vraiment excellent. Peut-être que c'est bouché dans les ceintures comment, individuelles, mais je me dis que Sanada, même s'il est bon en tag team, je le vois plus en star solo, hein, Sanada. Ouais, Sanada, c'est l'avenir, hein. C'est clairement, hein. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est bouché. Ouais. À mon avis, il va falloir attendre une bonne année avant qu'il puisse vraiment passer au level supérieur. Ah, mais il a déjà prouvé qu'il peut faire des gros, gros matchs solo. On sait qu'il en a sous la pédale. Et je pense pas Non, que non. ça soit, ouais, comme le disait Camille dans le chat, il craignait que ça soit encore plus le spotfest ce match. Il y avait quand même énormément de spots enchaînés. Et je pense justement que peut-être Sanada, c'est pas dans ce genre de match qui va briller au maximum, parce que c'est pas un spot monkey, Sanada. Ouais. C'est plus une grosse force de la nature. Donc voilà. Mais le match reste vraiment excellent. Et puis voilà, les Bucks toujours en haut de la montagne. On attend de voir qui sera un jour au niveau des Bucks, enfin dans les tag team, enfin dans les heavyweight tag team. Mais voilà. Voilà, un grand match encore des Young Bucks, hein, définitivement la meilleure équipe du monde. Allez, on enchaîne encore avec un match à 6. Petit match d'exhibition. Les amis du Bullet Club, Cody, Hangman Page et Marty Scurll affrontent les légendes du ring, Hiroshi Tanahashi, Jushin Thunder Liger et Rey Mysterio, qui fait enfin ses débuts à la New Japan pour se manger une défaite. Hein, le pauvre Rey Mysterio. Fallait pas attendre aussi longtemps, hein? Fallait Voilà, arriver c'est plus ça. tôt. Hein. Fallait venir la première fois qu'on l'a invité. Voilà, victoire hein, de la team Bullet Club dans un match qui était ma foi fort sympathique. Bon, ils n'étaient pas là pour voler le show, hein, tout cela. On attend le prochain passage de Rey Mysterio pour avoir quelque chose d'un peu plus consistant à se mettre sous la dent. Maintenant, voilà, que des professionnels du ring là, donc c'était ce qu'il fallait, avec toujours Cody C'était beaucoup de qui fait son comédie. jeu avec la foule. Voilà, c'est ça. Hein, entre Marty Scurll, Cody, etc. Non, mais Forcément. Skirl, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que ce type va passer 30 secondes sans gueuler un truc? Ah ben ouais, j'en ai rien à foutre. T'es pas une légende pour moi. Ou tu sais quand. Alors là, je crois qu'il l'a pas vraiment fait. Mais tu sais, il y a une période où il gueulait toutes les prises qu'il allait faire. C'est ça. Ouais, non, ça c'est une grosse partie du succès de Skrull, c'est son ses interactions avec la foule, hein, ça c'est sûr. Ben non, alors Skrull c'est quand même censé être un méchant, quoi, c'est The Vilain, quoi. Mais il a toujours le public derrière lui, hein, quoi qu'il fasse. Difficile avec le Mais Bullet bon. Club d'être hué. Mais on verra à la fin du deuxième pay-per-view, on verra qu'il y a des vrais méchants au Bullet Club maintenant. C'est ça. Voilà, bon, un petit match sympa. Sympa de voir Rey Mysterio. Puis en grande forme, hein, toujours. Non mais ouais, Rey Mysterio a été vraiment bon. Tanahashi a fait le boulot aussi, mais c'est peut-être Jushin Thunder Liger qui m'a un peu moins marqué. Enfin Ouais, bon, c'est sûr. Bon, après, ouais, Liger, bah il est plutôt jeune, ouais hein. voilà, c'est pour ça que c'est celui qui a le moins à perdre à justement prendre le tombé. Donc voilà, ça m'a étonné quand même la victoire du Bullet Club. Ouais. Mais bon, on a trois. C'était un match. En fait, c'est bizarre parce que c'est. Ils mettent ça en match. On est quoi, au milieu de la carte, etc. Mais en fait, c'est un match All-Star de ouf. Ouais, c'est Un clair, match qui il y a coûterait. des Enfin, star je sais power pas à combien ils fond les là. payent, tous ces gens-là, mais quand même. Jushin, Rey Mysterio, Tanahashi, ça fait quand même un peu mon Rushmore, quoi. C'est Du ça. catch. Donc, C'est ça. voilà, bon. Oh, et C'était sympathique. on a eu une belle interaction entre Rey Mysterio et Marty Scurll, là. Ça, il faudra qu'ils fassent un match tous les deux ensemble là, parce que ça fonctionnait super bien. Ouais, il évitait, enfin, tout le début du match, du coup, Marty, il évitait d'être contre Mysterio, je crois. Mais voilà, il faut qu'on voit ce match-là entre les deux. Allez, on avance encore un peu plus. On arrive au tournoi, enfin au championnat des équivalent des Cruiserweight, la WGP Junior Heavyweight Championship. Hiromu Takahashi, qui a gagné donc le Best of the Super Junior. Exceptionnel tournoi, hein, il a fait Takahashi. Quelques jours avant, il avait fait l'enchaînement de finale avec des matchs exceptionnels. Et il va essayer de faire tomber le champion Will Ospreay dans un match évidemment spectaculaire, violent, tout ce que vous voulez. Ça, c'est on a les deux meilleurs cruiserweight du circuit, hein, avec peut-être Kushida. Et c'est Hiromu Takahashi qui remporte, hein, évidemment. Will Ospreay, qui avait enchaîné les grosses grosses victoires, les grosses défenses de titre, est obligé de concéder face à Takahashi, qui est au sommet de son art. Un match, voilà, un match absolument exceptionnel, hein, avec des spots de fou. Ça va à 100 à l'heure. C'est vraiment, on est vraiment au sommet du catch actuel. Ils nous font peur à chaque fois. Peut-être. Enfin, c'est le principe de la ceinture que c'est du too much. C'est genre, ça fait des suicide dive ou des topés au bout de 30 secondes. Ouais, non, j'ai bien aimé ce match. C'est pas trop moi mon style de match généralement. J'ai préféré le match justement du pay-per-view qui suit. Mais oui, c'était bon. Après aussi, j'ai une aversion. Alors, je vais me faire huer par tout le monde. N'hésitez pas à envoyer des commentaires négatifs en dessous de la vidéo. Je suis pas fan de Will Ospreay en fait. Je sais pas pourquoi je peux pas le piffrer. Ah, peut-être parce qu'il a une tête de con. Tu vas te faire descendre toi aussi. Mais Pardon. donc voilà, ouais. Par contre, j'adore Takahashi. Je trouve que, contrairement à Will Ospreay, Takahashi a vraiment. Oui, c'est un peu. Il a un côté un peu spot monkey, comme on dit. Mais à côté de ça, il a une psychologie qui est excellente, quoi. Il a des mimiques où. on sent quand il a mal, quand il a toujours ce passage où il commence à péter un câble, et il a un personnage qui est Takahashi. Moi, il me vend, j'ai envie de voir un film avec Takahashi, j'ai envie de voir un film d'action avec Takahashi, parce que c'est totalement c'est le mec dans la bande qui est capable de tout à n'importe quel moment, et qui pourrait faire des choses complètement dégueulasses avec un grand sourire, quoi. C'est vraiment en fait c'est un peu genre c'est un peu le personnage si vous regardez principalement la WWE, c'est un peu Dean Ambrose avec des couilles. C'est comme si vous donnez un peu de crédibilité à un personnage à la Dean Ambrose. C'est un mélange entre merde, non, j'ai failli dire Cactus Jack, non, Mankind et Dean Ambrose, vous les mélangez Ouais, puis y a un petit côté Velvet in Dream aussi dans tout ça. Hein. C'est le total package. Il suffit de regarder quand il arrive au ring. Hein. Ouais. Transpire le charisme, c'est un truc de malade. Est-ce que c'est sur cette intro qu'il passe, je sais pas comment ils ont fait ça, où on a l'impression qu'il sort comme s'il avait rebondi d'un trampoline. Il sort de la scène comme ça, wouing! Comme. Merde. Non, il y a Enfin bref. total package. Ouais, j'adore. Donc tant mieux, je suis très Voilà. content qu'il ait la ceinture, et clairement. De ce que j'ai vu en ce moment, c'est clairement le gars qui devrait avoir cette ceinture. Oui, il a la place qu'il mérite. Ouais. Hein. Bon, moi j'aime beaucoup Will Ospreay. Hein. J'ai jamais vu un mauvais match de Will Ospreay, donc je suis obligé de prendre sa défense un petit peu. Ouais. Il a une belle année. Il a fait des grosses défenses de titre. Il a montré que c'était un pilier de la New Japan. Mais Takashi, voilà, c'est lui la star en ce moment. Hein. On peut pas passer à côté de ça. Voilà, donc effectivement, bah on est sur, voilà, sur la bonne personne à la bonne place. C'est pour ça que ça fonctionne autant à la New Japan, c'est qu'ils savent miser sur les bonnes personnes. Bon, on reviendra sur Takahashi, hein, parce qu'il a une défense de titre à San Francisco. L'IWGP Intercontinental Heavyweight Championship. Tetsuya Naito. Détenteur du titre, hein, il a fait tomber Minoru Suzuki pour récupérer le titre. Et il affronte la légende Chris Jericho, bah, qui débarque des États-Unis, qui est venu attaquer dans le dos Naito, sorti de la foule. Grosse brawl, hein, à coups de chaise, à coups de table, on a fait saigner Naito. C'était horrible, cette histoire. Horrible. Complètement Horrible. taré, ce Chris Jericho. Hein. Il arrive au Japon, il fait n'importe quoi. C'est vraiment un maquillage dégueulasse. Et il débarque avec effectivement un maquillage d'un autre temps. On dirait, je sais pas, Kiss après une beuverie. Ouais. Alors, un cosplay de Kiss par un alcoolique passé la nuit dans le caniveau. Alors, il va pas par quatre chemins, Chris Jericho. Il attaque tout de suite Naito. C'est parti dans les barricades, les tables, les chaises. Allez, c'est du match hardcore, hein, parce qu'on est sur un street fight, hein, je crois. Donc, il va tout de suite mettre le paquet. Naito va se faire laminer dès le début. Le leader de Los Ingobernables va revenir dans la partie. Ça va être un peu plus serré. J'ai bien cru qu'on allait partir sur un squash, hein, quasiment. Il va tout faire pour essayer de revenir dans la partie. Mais Chris Jericho est décidément trop psychopathe sur ce coup-là. Il va réussir finalement à placer son code breaker. Et prendre le titre intercontinental de Naito. Chris Jericho est donc le champion intercontinental de la New Japan à l'heure actuelle. Le nouveau Brock Lesnar de la New Japan. C'est ça, voilà. Dans un match qui était excellent. Voilà, il est bien, bien, peut-être plus impressionnant encore que son match contre Omega, Chris Jericho, enfin, magnifique quand il fait le psychopathe comme ça, là. Ouais, c'est marrant parce que ce match, pour le coup, j'ai regardé le pay-per-view très en retard, enfin en entier, donc du coup, il y a quoi, 2 jours. Ce match, je l'avais regardé quasiment le lendemain du pay-per-view. C'est le seul match que j'avais vu rapidement. Et j'en ai encore un vraiment excellent souvenir. Le truc, c'est que j'ai l'impression, j'espère que c'est l'histoire qu'ils sont en train de raconter justement vis-à-vis de Naito. C'est que quand il y a vraiment besoin d'aller jusqu'au bout, d'aller à 200%, j'ai l'impression que Naito il a perdu un peu, ouais, il a un peu perdu les pédales quoi en ce moment. Et puis là, dans ce match, oui, il revient quelques fois, mais quand même, il se fait majoritairement démolir Ouais, faut dire qu'il se par fait Jericho. bien, bien, bien, bien exploser en début de match. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Il se Bah prend la oui, totale. Hein. Jericho Normalement, l'attaque personne sort avant, les deux sorts. il l'attaque avant que la cloche La cloche sonne. sonne, ouais, sans pitié. Et puis voilà, après c'est de la grosse, grosse destruction. Jericho essaye d'être le plus gros heel de tout le catch mondial en ce moment, et puis il a peut-être pas assez de matchs pour que tout le monde soit prévenu, enfin pour que ça résonne autant, mais en tout cas quand on regarde ces 2 derniers matchs, que ça soit contre Omega ou contre Naito, il est insupportable, il est dégueulasse. Puis en même temps, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il arrive, il met des pointes. En fait, il met des pointes de comédie, il met des pointes de. Je saurais pas dire. En fait, personne ne fait ça, je pense, à la New Japan, c'est-à-dire un heel qui commence à agresser les caméramans. Il vole. Alors, ça, il l'a fait, je crois, que pendant le match d'Omega, il volait l'appareil photo d'un mec pour se prendre en photo. Bah, il prend la caméra et puis il se filme Ouais, en voilà. train de faire des doigts d'honneur en gros plan. Voilà. Bon, attaquer les caméramans et tout ça, Si. Naito l'a fait assez souvent hein, Ah, d'accord, dans ok, sa grosse autant pour moi. période. C'est parce que Mais ces bon. derniers temps, j'en avais pas vu. Mais du coup, ouais, c'était vraiment. Il y a pas énormément de, enfin, il y a pas énormément de choses à raconter dans le sens où c'est vraiment Chris Jericho qui démolit Naito principalement à l'extérieur du ring, contre des barrières, sur des tables, C'est ça. et puis voilà, c'était un peu dark, mais aussi c'est le fait qu'il ait gagné était d'autant plus surprenant parce que on avait l'impression que c'était on était en train de nous vendre justement Jericho qui massacre Naito, et Naito qui réussit peut-être à gagner avec une victoire un peu, je veux pas dire filoute, mais peut-être un peu rapide pour sortir du cauchemar, et non, il est jamais sorti du cauchemar. Non. Mais ça promet pour le je ne sais qui battra Jericho la prochaine fois, parce que là ils construisent vraiment Jericho comme pas forcément le plus puissant des gammes, mais un psychopathe fini quoi. Je pense que c'est le mec le plus dérangé de tous les gens à la New Japan maintenant. Ouais, non, lui, c'est imposé comme le psychopathe, le gaijin psychopathe de la New Jab. Alors, c'est dommage de ne pas le voir un peu plus souvent, mais Ouais. au moins, il y a, voilà, ça, on garde un petit caractère spécial quand il débarque. Et si c'est à chaque fois pour nous offrir des prestations comme ça, ben c'est. On est client. Donc voilà, encore un super match dans un style différent, parce qu'on était vraiment dans une grosse brawl très violente. Et on va arriver au main event. L'IWGP Heavyweight Championship est défendu par l'indéboulonnable Kazuchika Okada, qui a dépassé plus d'un an, quasiment un an et demi de règne. Il affronte donc le vainqueur, enfin non, pas le vainqueur, rien à voir. Il affronte Kenny Omega, tout simplement, le leader du Bullet Club. Donc voilà, hein, c'est le, je crois que c'était le quatrième affrontement entre les deux. Ouais. Donc on est dans un two out of free fall match, hein, au meilleur des trois tombés. Donc c'est Okada qui gagne le premier tombé sur une espèce de roll-up des familles. Donc c'est mal barré, hein, pour Omega à ce moment-là, parce que il faut réussir à faire le tombé sur Ouais. Okada, hein, personne n'y arrive, ça, hein, depuis des années. Donc il doit enchaîner deux tombées d'affilée. Et ben il y arrivera, l'ami Omega, par tous les moyens possibles. Ouais, surtout parce que Okada se prend, enfin c'est l'orgueil habituel de Okada. Une fois qu'il a fait le premier tombé, en fait, il commence quand même à se moquer beaucoup de Omega. Et puis voilà, c'est la vieille histoire de l'orgueil qui monte à la tête et puis du fait que Omega en chie pour placer son One Winged Angel, qui est la grosse Voilà. faiblesse de Okada. Je crois qu'il Ouais. s'est toujours fait, enfin il a jamais il est jamais sorti du One Winged Angel en fait. Je crois que c'est un peu Personne ne se relève du One l'histoire. Winged Angel, en fait. Donc pas Okada pour l'instant, qui va se prendre les deux tombées d'affilée après un match que c'est peut-être le plus grand match de l'histoire, hein, au final, hein. Un storytelling de ouf, ça n'arrête pas. Alors les deux, c'est quand même peut-être les deux meilleurs catcheurs au monde, hein. Okada, il est absolument incroyable. Omega, c'est pareil, il est au sommet de sa forme. Donc voilà, ça va enchaîner les spots dans tous les sens. On va avoir un storytelling de malade mental. Le point culminant, c'est Okada qui arrive pas à placer son, qui s'écroule pendant qu'il place son Rainmaker, hein, sa corde à linge normalement létale. C'est lui qui va s'écrouler quand il va la porter. Omega restera debout. À partir de là, on se doute que c'est un peu que les carottes sont cuites pour Okada. Un match tout simplement incroyable. On est sur du 6 étoiles. Ou 7, qui sait? Voilà. Je ne sais plus Enfin. maintenant, Meltzer rajoute une étoile à chaque fois C'est ça, qu'Okada affronte Omega. Omega s'affronte. Et Camille qui nous précise donc du coup une victoire partout et un match nul avant ce match. Ouais. Donc ouais, c'était le dernier, c'était Time Limit Draw, je crois. La progression du match est vraiment juste fantastique, quoi. On a deux gars qui se foutent tout ce qui est possible de se mettre dans la gueule dans la première partie, je sais pas, je dirais les 30 premières minutes. Avec le tombé d'Okada, mais Okada qui ralentit le rythme alors que Kenny, lui, continue à fond, etc. Enfin, je dis ralentit le rythme. Disons qu'il prend son temps juste après son premier tombé. D'ailleurs, je me souviens de ce passage où il est debout et Kenny est à terre, et puis, je sais plus, il lui fout des baffes, etc. Et puis il rigole. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mon moment préféré du match, c'est vraiment les 15 dernières minutes ou 20 dernières minutes, où là, c'est du pur selling de fatigue des deux, où ils essaient tous de placer leur coup, mais ils n'ont plus assez de force. Même quand ils essaient de soulever l'adversaire, il y a des passages comme ça où tout est. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils scellent la fatigue, mais ils ne la scellent pas en étant à terre et en faisant rien, en fait. Ils essaient toujours de placer leur move. Le seul truc que Omega aurait. Enfin, je dis le seul truc. Ce qui m'a marqué, c'est que genre Omega vers la fin c'était genre V-Trigger et à peu près rien d'autre parce que dès qu'il essaie de faire autre chose il est trop fatigué et puis voilà ça se fout sur la gueule jusqu'à la fin du monde quoi Et le suspense était quand même là, je trouve, pour la fin, parce que le fait que Omega ait placé déjà une fois son One-Winged Angel faisait que à la fin, tu te dis, ouais, bah alors, du coup, le seul qui a pas placé son finisher, c'est Okada. Du coup, enfin, la logique, tu pourrais te dire, bah, est-ce que ça va se finir sur Okada qui place le Rainmaker? Ou du coup, ouais, non, ce One-Winged Angel qui est, je sais pas s'il en a fait exprès, mais qui a une gueule de genre, il lui prend pas vraiment la tête, je crois, il le fait pas en entier, Ouais, donc ouais, on ouais, sent ouais, ouais. la fatigue totale. Les gars ont fait combien? 1 heure, un peu moins d'1 heure 10, je crois, de match. Et ils ont fait 1 heure 10 de match passionnant. Ouais. Il y avait rien, il y avait pas de. Et pourtant, je suis très, très, très. Généralement, je suis très sévère sur les passages. Je parle souvent de passages de soumission qui me saoulent un peu. Il y en a pas vraiment eu. Il y en a eu un poil au début, mais c'était très, très rapide. Et puis, c'était pas pour gagner du temps, quoi. C'était vraiment une lutte un contre un. Comment? Le nombre de, ouais, le nombre de V-Trigger qui balance à Omega à la fin, c'est hallucinant. Ah oui, il y a eu ce passage que j'ai adoré où c'est, si je me gourre pas, Omega qui essaie de faire une powerbomb sur Okada qui est accroché aux cordes. Et il doit le frapper au fur et à mesure de chaque côté pour le défaire des cordes. Et tout est tellement fluide aussi dans ce match. C'est en ça qu'on rentre tellement dans un match de catch quand tout est fluide et il y a pas de, il y a eu très peu de je me relève juste après me prendre, je sais pas, une powerbomb ou un truc comme ça. Ils ont la science, vraiment, le rythme de ce match est incroyable. Tout est tellement bien pensé. Donc ouais, je croyais pas qu'un match pourrait dépasser dans mon classement de l'année le Gargano de Ciampa là, du dernier takeover. Et je, ouais, non, je le mettrai au-dessus, le Okada Omega. Peut-être parce que justement ils ont réussi, contrairement au match Gargano-Ciampa, ils ont réussi à faire du drama sans prendre de pause pour nous raconter l'histoire en fait. Enfin, c'est-à-dire que Ouais. Gargano-Ciampa, j'ai adoré, mais enfin, chacun son style, ouais. Ouais, voilà. Le truc, c'est que la WWE, ils aiment bien prendre la pause, faire des gros plans sur les visages, etc. Alors que là, ce Okada Omega, j'ai eu l'impression qu'on était plus proche, je sais pas comment dire. Ils ont réussi à continuer à catcher tout en vendant l'histoire. Et voilà, Chef-d'œuvre. Et la promo juste après aussi, Promo j'ai post-match, ouais, beaucoup. les Young Bucks qui débarquent, la réconciliation. Voilà, c'est la boucle est bouclée au niveau du Bullet Club. Il restera encore une dernière étape avec l'affrontement avec Cody qu'on va voir au G1 spécial. Ouais, qui était Et puis, annoncé du effectivement. coup. Voilà, et effectivement, une grosse promo après plus d'1 heure de match hein, de Kenny Omega, assez incroyable quand Ce même. que je disais, ouais, sous Skype, je t'ai envoyé au moment où je regardais la fin, je fais, comment le mec arrive à sortir une promo aussi potable, enfin, voire plutôt une bonne promo. Après, il racontait pas forcément grand-chose, mais il le... Mais aussi, il a un phrasé que j'adore, Omega, où il parle il a vraiment une voix intrigante. Et donc, il a fait tout un discours sur le fait que... Bah, finalement, Okada a fait énormément de choses pour la New Japan, mais lui, il est là pour pousser la compagnie plus loin et pour l'amener au niveau au niveau mondial. Et puis voilà, on a eu les Young Bucks qui sont venus, donc du coup, et l'annonce juste après de la création de Golden Elite avec Ibushi, donc du coup, à côté. D'ailleurs, C'est c'était ça. drôle, Omega qui disait voilà, Golden Elite, moi champion, les Bucks champions, et puis Ibushi. Voilà. Donc du coup Cody Rhodes qui du coup vient et on sait pas si genre sur le moment on peut croire que ah peut-être il va abandonner son idée etc et va reconnaître sa défaite quoi parce que bon Omega vient de battre le plus grand catcheur de tous les temps enfin pas de tous les temps mais de l'histoire de la New Japan peut-être et non en fait Cody vient et puis après il repart un peu frustré. Je sais pas s'ils ont fait un peu plus que ça niveau storytelling jusqu'au G1 Special, mais voilà, c'était annonciateur du match Omega Cody pour la ceinture et pour la gouvernance du Bullet Club. Exactement. Bon, leurs intrigues, ça se déroule aussi entre le Oui, sur YouTube. Bang The Elite et puis voilà, hein, la série sur YouTube. Voilà, donc ça, c'était Dominion. Donc effectivement, rien acheté hein, dans ce pay-per-view. Voilà, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en matière de catch dans le monde. On était le 9 juin, on va faire un saut dans le temps. On arrive le 7 juillet. On est à San Francisco. Allez, on a traversé l'océan. Donc la New Japan hein, fait son retour aux États-Unis au Cow Palace, donc que Jim Ross nous vend un peu comme le Madison Square Garden de la côte ouest. Le palace de la vache. C'est ça. 6 333 personnes apparemment sur place. Donc en gros la salle est remplie aux trois quarts. Ce qui peut paraître anodin, mais qui est quand même assez exceptionnel pour un show de catch qui soit pas WWE. Hein. Ça beau être bon, on croit peut-être quand on est comme ça sur Internet que la New Japan est en feu, qu'ils peuvent concurrencer la WWE, etc., etc. Mais c'est pas gagné. Un show de catch, ça remplit pas des quand c'est pas la WWE, ça remplit pas forcément des grosses salles. Mais là, le public était au rendez-vous avec une grosse ambiance, hein, évidemment. Jim Ross et Josh Barnett aux commentaires hein, C'est qui vrai. remplacent Don Callis et Kevin Kelly Pour le meilleur et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Allez, on démarre le show avec un petit match sans prétention, le Bullet Club avec Tama Tonga, Tangaloa, Yujiro Takahashi, Chase Owens et le vétéran, enfin plus que le vétéran, la légende du ring, King Haku, qu'on connaissait aussi sous le nom de Ming, Faces of Fear, hein, souvenez-vous, dans les années 90. C'est le papa des Tama Tonga et Tongaloa. Il est là un petit peu pour le prestige. Ils affrontent Chaos, la team de Chaos, Yoshihashi, Gedo, Rocky Romero et les Roppongi Freaky, Yo and Show. Enfin, Rocky Romero, il fait aussi partie des Roppongi. Alors, grosse pop pour Tama Tonga, pour King Haku ici, évidemment. Victoire du Bullet Club. Victoire sans appel. Hein. Ils vont gagner ça assez facilement. Avec des jolies petites. Des petits coups à l'ancienne de King Haku. C'est Tama Tonga, hein, je crois, qui fait le tomber. Et Romero qui se fait balader pendant la Ouais, c'est majorité ça. du match. Voilà, un petit opener, voilà, une petite dizaine de minutes sans prétention. Voilà, moi je soulignerai surtout la grosse pop de Tama Tonga. Ça n'a pas duré Voilà, longtemps. ça n'a pas duré longtemps, effectivement. Ouais, non, match très efficace. Je crois que dans mon top, il faudrait que je fasse un top des mecs baffables de la New Japan, les mecs que je supporte le moins. Rocky Romero, je pense qu'il est dans mon top 3. Ah ouais, il est bien Vraiment placé. insupportable. La nière tête à claque, effectivement, ça se pose là. Donc, ouais. Ouais, non, match efficace où les Tongans ont clairement. clairement dominé hein, à part quelques combinaisons de Roppongi friqués qui ont marché, mais sinon la majorité du temps quand même les Tongans ont fait le boulot. Allez, on enchaîne. Un match tag team. Donc la revanche, hein, Tomohiro Ishii et Toru Yano pour le clan Chaos contre Minoru Suzuki et Zack Sabre Jr. du Suzuki Gun. Aussi une petite dizaine de minutes ce match. Alors on dit souvent que les Japonais ils viennent en vacances hein, quand ils sont aux États-Unis. Pour ce match-là déjà, c'était pas le cas. Hein. Suzuki en grande forme qui va se foutre sur la gueule avec Tomohiro Ishii encore une fois. On va écarter un petit peu hein, du ring Toru Yano et Zack Sabre Jr. dans un premier temps. Hein, ça va vraiment être centré sur l'opposition Ishii-Suzuki avec des gros échanges de baffes, hein, encore une fois. En grande forme, hein, Suzuki. Ishii, il fait un peu peur quand il arrive. Hein, c'est pas Matardi, mais c'est pas loin. Mais bon, quand une fois qu'il est dans le ring, c'est la machine de guerre. Il n'y a pas beaucoup Donc à se ça va aller. déplacer de toute façon. Voilà. Bon, ils vont se retrouver un peu à l'extérieur du ring, etc. On va refaire un petit peu le spot de Toriano, aller un peu plus tard dans le match, avec le coup bas qui va être bloqué par Zack Sabre Jr. là, entre les jambes. Zack Sabre qui est censé partir sur une prise de soumission, mais il se fait choper par Ishii qui lui met une bonne mandale. Il va être piégé du coup Zack Sabre dans un roll-up dont Toriano a le secret, et c'est la défaite du Suzuki Gun. Super. Évidemment, c'est pas pour plaire à Suzuki qui va casser la gueule de tout le monde. Un très bon match. Moi, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont fait le show au Suzuki. Vraiment, on sent que il a compris qu'il avait peut-être encore du pognon à se faire, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre. Suzuki, malgré son âge avancé, quand il vient, voilà, il fait le spectacle. Ouais. J'ai vraiment bien aimé ce match, moi. Ah oui, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce match, et puis c'est la même, enfin c'est un peu la même histoire que tout à l'heure, donc dans le premier match, sauf que ça se termine avec je crois que c'est une espèce de clothesline qui lui fout mais alors d'une violence. Ah bah les clotheslines de Ishii, c'est pas des clotheslines de Charles de Square, hein. Si tu m'exprimes un psy, Ouais, non, non, mais il se Ishii, fait. il est vraiment en retrait en ce moment, mais c'est un incroyable catcheur, hein. Donc, du coup, ouais, Saber, il se fait. Alors, ce qui est magique, en fait, c'est que Saber. Donc, du coup, ce coup de je bloque les low blows avec mes jambes. Ce qui est pas très. C'est pas le truc le plus viril du monde. Mais. Et donc, du coup, c'est à chaque fois, il a cet air. Enfin, Zack Saber Junior. Alors, pour le coup, lui, il a un air bafam, mais bon, c'est son personnage, c'est totalement son personnage et tout. Mais donc, du coup, il a tellement la tête, genre, moi, on me la fait pas, etc. Et juste après, il se fait sécher. Ouais, j'ai adoré ces 10 dernières secondes de match. Et Yano qui fait le tomber, puis après, qui fait le malin. Ouais, c'est excellent. C'est du divertissement total. J'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Très bon boulot. Allez, on avance. Le Bullet Club, c'est un match tag team hein, qu'on va avoir là. Bullet Club, Hangman Page d'un côté avec Marty Scurll qui affrontent les deux aces de la New Japan, Hiroshi Tanahashi et Kushida. Dans un match qui va 100 à l'heure, hein, pareil. Tanahashi n'est pas venu pour les mains dans les poches. Kushida, pareil. Ils vont faire le show. Maintenant, c'est la victoire quand même du Bullet Club. Je crois que c'est Kushida qui se prend le tombé. Hélas. Après, encore une fois, une bonne dizaine de matchs qui étaient vraiment calibrés à la perfection. Hein. Tanahashi, il a le timing qu'il faut, même s'il est pété de partout, il fait quand même ce qu'il faut. Kushida, il a fait ses démonstrations tout à fait incroyables. Les deux autres, toujours excellents. Voilà, encore un super match. Ouais, Tadashi fait encore des flips du poteau, hein. Ouais, ouais, ouais. On pourrait croire qu'il se limite au neckbreaker et à des trucs un peu simples, mais ouais, il fait l'effort. Donc du coup, pareil, on avait échangé là-dessus. J'ai eu la tristesse pour Kushida qui Kushida. se fait C'est encore pas son année. qui se fait encore enfin qui se prend encore le tombé n'empêche que ouais match très très très très amusant et puis ouais non je suis toujours le seul truc que je retiens c'est je suis arrivé trop tard en fait pour je suis arrivé trop tard à la New Japan pour voir Kushida gagner des Ouais, alors matchs ça reviendra, je pense que ça devrait mais pas il tarder. est quand on lui laisse ne serait-ce que 30 secondes hein, il est vraiment fantastique et puis voilà le club qui est tellement booké fort en ce moment c'est juste ils sont bookés fort partout. Ils étaient bookés fort Ouais. en intro, ils sont bookés fort au milieu du show. C'est la bouée de Club Nation. Hein. Et puis alors, oui, on n'a pas dit, mais le G1 Special, c'est la Bullet Club Family. Hein. Vous regardez le public. Ouais. Il n'y a que ça. Bon, c'est enfin, ce qui est logique parce qu'on est aux États-Unis, mais ouais, c'était clairement leur maison, quoi. Ça se voit. Exactement. Et on fait gagner les, contrairement à la WWE, on fait gagner les locaux Ouais. quand ils C'est un peu plus sont malin, dans hein. leur Gagner un petit pays. peu les favoris de la foule. Enfin, on va voir ça dans le match qui suit. C'est pas toujours le Ouais. cas. Never Openweight Championship. Donc Goto, hein, comme je vous ai expliqué, il a récupéré son titre face à Elgin la semaine précédente. Et il affronte celui qui était le coéquipier d'Elgin pendant le tournoi tag team de l'année dernière. Jeff Cobb, la machine de guerre, la machine à souplesse, le monstre Matanza si vous regardez la lucha underground. Donc Hirooki Goto qui est hué par le public. Hein. Les gens l'aiment pas. Il se prend des huées assez claires et nettes. Donc il va jouer avec ça. Hein. Il va pas se démonter. Goto, c'est un pro. C'est Jeff Cobb, le favori de la foule, qui va enchaîner les souplesses dans tous les sens. Mais bon, Hirooki Goto, c'est pas un perdreau de l'année. Il va manger jusqu'à ce que Cobb soit fatigué. Et après, il va enchaîner ses finishers. JTO pour la victoire. Autant, voilà, si vous voulez faire un bon match où vous gagnez et que vous ayez un adversaire qui vous pousse jusqu'à vos limites, vous faites un match contre Tomohiro Ishii. Et si vous voulez un match où vous perdez en ayant fait une belle prestation, bah vous affrontez Hirooki Goto. Donc Jeff Cobb, voilà, il s'est bien mis en valeur malgré la défaite. Hirooki Goto, toujours efficace, moi j'aime beaucoup. Hein. J'ai entendu dire qu'il était venu un petit peu les mains dans les poches, je pense pas, hein, il a fait le taf pour bien se mettre la foule contre lui au final et bien mettre en valeur Jeff Cobb. Un match, encore un très bon match. Hein. J'ai bien aimé ce match. Je suis peut-être pas autant fan de Jeff Cobb que tout le monde. Je trouve que enfin il fait le boulot tout ça. C'est peut-être il manque un petit truc. C'est moi je suis vachement fan de personnages et de Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu plat là. il est Hein. c'est très bon très très grosse carrure très bon work rate. Il manque peut-être un petit peu de magie pour l'instant. Bah après, il vient à peine de ce que j'ai compris. Il catch ici et là pour la New Japan. Il n'est Ouais. pas encore officiel là-bas. Enfin, il n'est pas encore Ouais, signé. c'était en gros, c'était son premier match solo. Ouais. Voilà, hein, il fait de la pige hein, pour l'instant. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, ils veulent s'étendre aux États-Unis. Bah, ça fait partie de ce genre de personnes qui vont. Qui vont attirer l'attention des smart américains quoi. Jeff Cobb il a une très bonne cote d'ailleurs je sais plus contre qui je l'ai vu. Est-ce que c'était pas contre Suzuki justement? Oui, c'était Jeff Cobb C'est Suzuki possible. à DDT Pro qu'est-ce que je dis DDT Pro Rev Pro à la Nouvelle-Orléans qui était vraiment un bon match aussi. Jeff Cobb a une grosse, ouais, grosse pop, avait Ouais, c'est un aussi des une plus grosse gros pop noms du circuit indé, hein, à ce comme. moment-là. Donc ouais, efficace. Ouais. Efficace. Allez, toujours dans l'efficacité. Les Young Bucks défendent leur titre contre Sanada et Evil. C'est le match revanche de Dominion. Même motif, même punition. Victoire des Young Bucks après un match encore une fois exceptionnel. 16 minutes d'enchaînement de spots là, ça allait à 100 à l'heure. Melzer Driver, je crois, pour la victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'on a déjà dit, hein? C'était encore exceptionnel, hein. Ouais, je suis en train de me demander si je confondais l'un enfin si j'avais confondu un match avec l'autre, mais bon bref, les deux sont excellents. On vous C'était la dira dès qu'il y a un confirmation. mauvais match, C'était hein. la confirmation, ouais. C'était la confirmation pour les Bucks. Donc ouais, non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce match que j'ai pas dit sur le premier, en fait. C'est très très bon, et puis, je me demande qui va affronter les Bucks prochainement. Toi, tu vois qui pour un... Pour affronter les Bucks prochainement, qu'est-ce qu'il nous reste comme équipe? Peut-être qu'ils peuvent tenter le Killer Elite Squad, Ah qu'on n'a oui. pas vu depuis un petit moment. Ce serait intéressant de voir les deux grosses brutes là du Suzuki Goon contre les Young Bucks. Sinon, les Tonga. Ah oui. Ah bah Voilà, Gorillas of Destiny. Ça peut être aussi un très très bon match. Là, ils viennent de monter. De toute façon, maintenant, ils sont dans la division heavyweight, donc il y a plein d'affrontements qu'on n'a pas eu encore oui. qui peuvent se faire. Ouais, je pense qu'on va s'orienter peut-être sur un match contre les Gorillas of Destiny. Ça me paraît plus logique. Salut à Cyril qui vient de débarquer dans le chat et qui est déçu de ne pas voir Jeff Cobb au G1 cette année. Effectivement, ça aurait été sympa de voir. Ils n'ont pas amené beaucoup d'invités, même pas du tout d'invités cette année au tournoi. On est vraiment avec le roster actuel de New Japan. Ils ont fait une overdose des invites de C'est ça. Bon, enfin, je sais pas. pour non, je sais pas, Ouais. pour le G1. Non, tu veux... ouais pour Ouais, G1 spécial. ouais voilà, mais non, je sais pas. Après, je pense aussi peut-être ils attendent, ils vont le refaire. Je le vois bien être invité encore ici et là, et c'est difficile en même temps parce que le lui, Jeff Cobb, il doit avoir un paquet d'engagements, un paquet de booking déjà prévu aux États-Unis. Donc du coup, faut se libérer quand même C'est pendant... ça. Ça dure Enfin, ouais, faut combien de voir temps? Il y avant. a 2 semaines? Non? Le quoi, le G1? Ouais, G1, c'est une C'est un semaine. mois, hein. Oh, oui, non, oui, c'est un mois autant pour moi. Un bon mois, hein, quand même. Donc ouais, ça Ouais, il demande... faut quand même avoir du temps de libre. Hein. Donc, avançons. On va avoir encore un match tag team, évidemment. Allez, les représentants de Chaos, l'ancien champion Kazuchika Okada et l'ancien champion Will Ospreay, hein, les deux vice-champions, affrontent les représentants de Los Ingobernables de Japón, l'ancien champion Tetsuya Naito et Bushi. Le petit luchador japonais. Encore une fois. Alors, là, encore une fois, on a eu un match où les mecs, ils sont quand même levé le cul. On a un Kazuchika Okada qui débarque rigolant, à la cool, avec des ballons autour du pantalon. C'est ce que j'allais dire. Il était fantastique. Et chez Steve Larsen, ils l'ont bien défini. Ils l'ont appelé Chill Okada. C'est Chill Okada en vacances. Voilà. Il a fini, il a plus de pression, donc du coup il arrive. On a l'impression qu'il est habillé un peu en touriste, et puis il a des ballons. Voilà, c'est Il ça. sourit. C'est ça, voilà. Il a plus tout le poids de la New Japan sur les épaules, donc il vient Allez, décontracter. c'est pas le mec qui va demander un rematch. Hein. Là, Voilà. on le sent, il a abandonné. Maintenant, le spectacle est là, hein. Oui, Ils oui, oui. ont, même s'ils ont gardé les t-shirts du côté de Los Ingobernables de Japón, ils ont quand même fait le spectacle. Will Ospreay, lui, est toujours au top, hein. Que ce soit devant 50 personnes ou devant une grosse salle. Il va quand même faire le spectacle. Victoire des gentils. Là, victoire d'Okada et Ospreay. Je crois que c'est Ospreay qui fait son finisher là, assez incroyable sur Bushi. Et il a fait un Bah, os cutter? Lost Cutter, ouais. Non, je crois pas que ça s'appelle Lost Cutter. Oh, je ne sais plus. C'est le doigt quand il prend sur ses épaules qu'il fait le tourner comme ça. Tetsuya Naito, incroyablement populaire, évidemment. Tanahashi, hein, lui, Okada, grosse star. Hein. Voilà, encore une fois, quasiment 12 minutes de match. Voilà. C'était top, c'était fun. Encore une on a petite joué défaite pour public. Naito, ça fait plaisir. Voilà. C'est pas, il est vraiment. C'est ça quand on est à sale gosse, hein, on va pas gagner. Ce qui va se passer au niveau du. J'ai pas encore regardé s'il a. Il a pas encore eu son match, Naito. Enfin, son premier match du G1. Non, pas encore. C'est Ouais. aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être passé là, alors on se parle, mais ouais. Je pense pas. Attends de voir s'il se fait pas. S'il se fait pas laminer, parce que là, en ce moment, ouais. Donc, oui. C'était un bon match, c'était assez court, hein, je crois, ce match. 12 minutes quand même, un peu plus long que Ouais. les précédents. Mais non, ouais, j'ai bien aimé. Ça m'a pas marqué plus que ça, à part que j'étais fasciné par Par Okada Okada. qui est non mais j'étais fasciné par Okada qui a le sourire. Mais on a l'impression, ouais, on a vraiment l'impression qu'il est content en fait. Il a Ah plus le bah il poids, s'amuse hein. il a plus le poids, il a pu apporter une robe qui pèse 10 kilos quand il arrive et tout ça. Enfin bref. Mais le match en lui-même, oui, c'était juste dans mon souvenir, c'était plutôt efficace. Et puis Naito a beau fanfaronner. En ce moment, ça tourne pas bien quoi pour lui. C'est pas J'espère. grave, il va se reprendre, il va se Ouais. reprendre. Voilà, super cool match. Allez, une défense de titre. Ouais. IWGP Junior Championship, Junior Heavyweight. Hiromu Takahashi, donc, hein, on vous a expliqué qu'il avait gagné contre Will Ospreay. Il a fait une petite défense de titre entre-temps contre El Desperado. Et ce soir, il affronte son ennemi de toujours, son rival de toujours, Dragon Lee. Ils ont fait des matchs exceptionnels au Mexique. On a déjà eu des affrontements ici ou là à la New Jap. C'est toujours exceptionnel et ben on va continuer dans l'historique hein, puisque ça va. Alors le match commence avec un Hurricanrana depuis le tablier du ring, hein, c'est-à-dire que Dragon Lee se jette sur Takahashi qui est même pas rentré dans le ring encore. Et puis ça va pas arrêter hein, pendant tout le match, hein, des spots de fou jusqu'au drame. Ce Phoenix souplex là de Dragon Lee, c'est-à-dire alors Phoenix souplex et vous mettez le mec en boule et puis vous faites une souplesse avec. Finalement, il s'avère que c'est dangereux hein, puisque Takahashi atterrit sur la nuque. Mais il va quand même enchaîner avec une power bomb et un Canadian Destroyer. Voilà, donc à faire. Hein. On a la nuque brisée, mais c'est pas grave. Il place son finisher, Hiromu Takahashi, il conserve son titre, mais on apprendra donc par la suite hein, qu'il est effectivement salement blessé, sûrement une côte fêlée ou quelque chose, enfin Ouais. une vertèbre fêlée ou quelque chose comme ça, on n'en Alors sait pas beaucoup plus. de ce que j'ai compris quand même, il a pas, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont été écrites de façon comme si c'était des faits. Ouais. Il a pas la nuque brisée. Voilà, si vous voulez Ah, savoir, si vous... Voilà, comme c'est. diraient certains, si vous avez la nuque brisée, c'est à la mort que vous allez, hein, pas à Ouais, l'hosto. voilà. Ou fêlé ou quoi que ce soit. Donc Pas là-dessus, d'opération en tout cas. ouais, voilà. Il était à l'hôpital, enfin il est parti à l'hôpital juste après, mais apparemment rien de grave. Et puis il a fait un tweet qui était très très marrant. D'ailleurs j'aurais dû le mettre avec sa petite marionnette qui disait je vais bien. Et juste à côté il y a un petit bonhomme dessiné avec la tête qui sort. Ouais, malgré ce spot qui était c'est vrai un peu gênant. C'était ouf. Et puis alors ça a duré juste assez longtemps, tu vois. Je reprochais je parlais, alors je sais pas combien de temps il a duré le match, mais pour moi il a pas duré trop longtemps dans ce genre de match où il y a 50 spots à la minute. Il a duré juste la bonne durée. Mais alors pouf, le match il commence, tout le monde se saute dessus au-dessus de la troisième corde. C'est qui va mourir en premier Dragon Lee, c'est un excellent catcheur aussi, hein, assez exceptionnel. On est aussi dans le top niveau mondial, hein, avec lui. C'est le quatrième ace. On n'en parle pas souvent, hein, mais le mec est. Bon, là, on lui met un peu le truc sur le dos pour le Phoenix Suplex, mais à côté de ça, faut voir la qualité de ses matchs, hein. C'est un mec incroyable. Ouais, puis ils se mettent. C'est pas, c'est dans ce match qu'ils ont une séquence où ils se mettent des souplex pendant 3 minutes. Oui, enchaînement de Je German crois qu'ils se mettent Suplex. chacun 4 souplesses dans la Ouais, gueule. non, mais ils sont complètement tarés. Hein. C'est sûr que c'est trop dangereux les matchs qu'ils font. Ouais. Voilà, ça finit par arriver les accidents, mais Non, mais ouais. après, c'est ce que veulent les gens aussi, quelque part. Quand on veut Ouais. un. Bon, mais ça va trop loin avec eux. Hein. Il faut qu'ils. Mais en même temps, ils se connaissent par cœur, donc je pense qu'ils sont. Voilà, ils se permettent des trucs qu'ils se permettraient pas avec d'autres personnes, mais bon, on sait que Dragon Lee, il avait enchaîné les matchs aussi sur les jours précédents. Je crois qu'il a fait 4 matchs en 2 jours, un truc comme ça. Donc forcément, hein, on n'est pas à l'abri du drame quand on fait du truc de précision là, comme ils font. Mais Ouais, si mais vous avez jamais vu c'est. d'affrontement entre les deux, vous serez soufflé, hein. Ouais, c'est. Pour le coup, on avait presque l'impression, ouais, que le but du match, c'était qui allait briser la nuque de l'autre. Donc, à part ça, c'était quand même très fun à regarder. Ouais, non, c'était exceptionnel, Mais. exceptionnel. Et puis, une nouvelle fois, ouais, la psychologie de Takahashi dans l'échange de points, un des rares moments où ils ont ralenti dans le match, où ils s'échangeaient des chops, et où Takahashi était de plus en plus souriant, quoi, au fur et à mesure qu'il s'en prenait dans la gueule. Voilà, c'est tout ce qu'on aime chez le personnage, enfin j'en parlais tout à l'heure. Donc ouais, très bon match. Takahashi conserve, enfin logiquement, parce que je pense que Dragon Lee est même pas un permanent de la New Japan, donc logiquement il conserve sa ceinture. Et puis voilà, ouais, non, ça a donné un bon coup de boost au pay-per-view. Et voilà, Ouais. au moins 4 étoiles, 4, voire 4 et Ouf, au demi. minimum, hein. Ouais, 4,5, hein, carrément. Voilà, on enlève une demi-étoile parce qu'il y a eu un accident, hein, mais sinon on était à 5 étoiles, je pense. Allez, En parlant d'accident. gros. En parlant d'accident, grosse défense de titre. Jay White défend son titre des USA, hein, face à Juice Robinson. 23 minutes 22. Deux matchs. Juice Robinson a une pop incroyable, c'est le favori de la foule alors que Jay White est détesté. Hein. Et il va jouer avec ça, il va jouer le heel parfait. On va s'envoyer dans les barricades, on va insulter la foule. C'est le débordement puisque Jim Ross est là, il gueule, il dit mais c'est pas possible, ça sert à rien de s'envoyer dans les barricades, c'est dangereux, c'est pas comme ça qu'on va gagner une ceinture. Il parle et finalement bah, il va se prendre un Juice Robinson qui va percuter la barricade va percuter la table des commentateurs va percuter Jim Ross qui va se retrouver le cul par terre. Ça va pas plaire à Josh Barnett, hein, qui est. Alors Josh Barnett, si vous connaissez pas, c'est un mec qui fait 3 mètres de haut, qui est ancien combattant de MMA, bah, qui va se lever, il va pas être très content, You done il va aller fucked up. chercher. Ouais. Il s'est levé, il a regardé Jay White, il fait t'as merdé, mec, et il T'as arrive à lui. merdé. Il arrive vers lui, Jay White va se sauver, hein, il va pas chercher l'affrontement, il a déjà se tapé Juice Robinson. Donc c'est la folie, hein, ambiance de fou. Le match va reprendre. Alors l'histoire, c'est que Juice Robinson a une main cassée, hein, s'il utilise son plâtre pour taper sur Jay White, il est disqualifié. Maintenant, c'est Jay White qui va tricher avec un low blow pendant que l'arbitre est KO. Mais du coup, bah, l'arbitre, il va pas pouvoir capitaliser sur son low blow et Ouais. c'est après Juice Robinson qui va profiter aussi que l'arbitre est KO pour lui mettre une pêche avec son plâtre. Et bon, bah, il va quand même pas pouvoir gagner là-dessus, mais il va utiliser son arme secrète, Juice Robinson, le roll-up. pour gagner le match. Victoire de Juice Robinson, grosse pop de la foule. Jay White est vaincu. 23 minutes 22 de match avec vraiment une ambiance de folie où on se disait que tout peut arriver. Hein. C'est un truc qu'on ressent pas souvent ces derniers temps, souvent à la WWE parce que tout est millimétré. La New Japan aussi, c'est assez rare de partir dans un truc comme ça. Jim Ross a super bien joué le coup là, parce que lui aussi s'est énervé. Hein. Il a dit ouais, les organisateurs, faudrait qu'ils arrêtent de, faudrait qu'ils reprennent leurs esprits, mais leur regardent d'une manière assez crue. Hein, C'est le grand débat, c'est le grand débat. Enfin, je dis c'est le grand débat. Ouais, C'était est-ce il que y a c'est une un work ou semaine. pas? Ouais, voilà. De alors Barnett il était en justement il était je crois au podcast de Jim Ross et puis il parlait du fait que au moment où il s'est énervé c'était pas du tout c'était pas du tout un work et que par la suite en fait il a compris que finalement ça allait dans le enfin quand il s'est réassis puis qu'il était toujours énervé il s'est dit quand même ça va dans le sens du match. Du coup parce que ça rendait Switchblade encore plus heal. Alors l'autre question que j'ai à poser c'est le public qui crie asshole est-ce que c'était contre Josh Barnett ou est-ce que c'était contre Jay White? Qui Bonne sait? question. Ouais, parce que ouais, il est possible que les gens savent pas ce qui se passait, hein, parce qu'ils n'avaient pas les commentaires dans le public, donc ils voyaient un mec arriver comme ça de 2 mètres. Bonne question, Et ben et je crois qu'on. oui, je disais Barnett. Barnett, du coup, dans son interview, dit aussi, il y a un mec du public qui lui a dit, pourquoi tu l'as pas rattrapé? Non, mais c'est un match fantastique. C'est mon match préféré de ce pay-per-view. C'est de la violence pendant. C'est des mecs qui se prennent des barrières. Voilà. Ce match. Et Jay White a tellement bien réagi aussi quand Barnett est sorti. Jay White se foutait de sa gueule, mais comme il était enfin, détestable, moi du coup j'en parlais déjà tout à l'heure. J'aime beaucoup le personnage, mais il était vraiment, il a joué tellement bien le heel parce qu'il y avait l'arbitre qui repoussait Barnett et puis Jay White qui fait oh, qu'est-ce que tu veux? On est à un match Ah de non, catch. excellent, excellent, Jay White, il a pris la foule et voilà, il a joué avec tout au long du truc, exceptionnel. Et il y a eu aussi. Attends, est-ce que c'était à ce match-là que un mec. Ah non, c'était peut-être au Cody Omega que y a un mec qui s'est pris une barrière sur le genou. Non, je crois que c'est dans ce match-là, ouais. Ouais. L'annonceur japonais, hein, Ouais. Mais alors, waouh, à regarder, putain, il s'est fait vraiment niquer. Là, il y a pas d'histoire de work ou shoot, on le voit, il se fait écraser le genou sous une barrière. Ah, il y avait un côté chaotique comme ça qui était vraiment ouais, c'était le surprenant. bordel total. Et puis Juice Robinson aussi qui finalement est un babyface qui est plutôt grossier. Parce que il arrête pas d'insulter si Switchblade, mais au niveau catch c'était excellent malgré ce qu'a dit JR pendant tout le match où ouais mais ça c'est pas vraiment c'est plus du catch ça, machin, vraiment il était en train de chier sur le show c'était assez dingue Il a fini quand même avec deux côtes fêlées, hein, je crois, Jim Ross. Ça me paraît assez étrange parce que on parle de côte fêlée et il a continué à commenter 2 minutes après qu'il ait fait le bump. Ouais. Bon, il Bon. disait qu'il était pas bien, hein. Il a dit, D'accord. si vous inquiétez, je vais pas bien. Mais professionnel Ok. jusqu'au bout. Après, je sais vraiment pas où est si on est sur du work complet ou Ouais. si y a eu dérapage, peut-être un peu des deux. J'ai du mal à croire que c'était pas prévu quand même. Maintenant, Oui, et puis il y a cette histoire à de. voir. Je te disais sous Skype le fait que c'est pas. Enfin, si c'était un work. Si c'était un shoot, plutôt. Je vois pas en quoi on peut blâmer Jay White. Parce que la barrière, elle est quasiment pas attachée. le bureau, il n'y a rien pour lester le bureau. Hein, le bureau, on a l'impression qu'il est en carton. Donc, vraiment, c'est toute la configuration est catastrophique. Les barrières, quel que soit l'endroit, j'ai l'impression que les barrières n'étaient pas attachées hein, ce soir-là. Donc voilà. Tant mieux pour Juice, même si. Enfin, il aura d'autres opportunités, mais je suis content qu'avec ce match, moi j'étais déjà fan avant. Moi j'avais beaucoup aimé un match que les gens n'avaient pas forcément adoré de Jay White contre Hangman Page, où pour le coup c'était aussi un match ultra violent. Voilà. J'espère que ça annonce aussi du bon pour le futur de Jay White. Et puis Juice est carrément avec Omega le gros la grosse star Babyface qui va ramener du public aux États-Unis. Là, il a une Ouais, en popularité tout cas, de dingue. grosse pop. Et Juice a réussi aussi à avoir une popularité impressionnante au Japon. Quand on le voit arriver au show, les gens sont très attachés à lui. Donc ouais. Tant mieux. Cyril qui nous dit que Jim Ross est effectivement blessé puisqu'il a dû rater des dates, effectivement, hein, il s'est plaint de ça, hein, il a dû louper quelques dates où il était prévu Ah mince, d'accord. 3 jours. Qui suivait, il n'était pas content. Cyril qui nous dit aussi qu'avec Jay White, il y a quelque chose à faire au G1 dans le tournoi, qui nous en dit pas plus, effectivement. Hein, j'ai vu la première journée, Hâte de voir. il se passe des trucs. Ok, d'ailleurs, en parlant du G1 Climax, si vous voulez un petit résumé de la première journée, Ringside en a fait un out of nowhere, comme Randy Orton. du coup, c'est disponible sur la chaîne. Vous pouvez regarder ça après avoir regardé cette vidéo si vous voulez. Même si juste après, on fait Effectivement. un pré-show de Extreme Rules, mais bref. Ouais. Voilà, vous aurez le temps, c'est pas très long. J'ai essayé de vous faire ça à chaque journée, hein, le petit résumé du G1. C'est le plus gros tournoi de l'année, c'est le plus grand moment de l'année pour le catch. Et je crois qu'on avait un match historique, hein, avec Juice Robinson et Jay White, hein, à ce G1 spécial. Mais on va arriver à un autre grand moment d'histoire du catch. Kenny Omega qui affronte Cody Rhodes, The American Nightmare. Single match pour le championnat IWGP. C'est enfin la conclusion de cette rivalité qui dure depuis des mois et des mois. Les deux prétendants à la ceinture, mais aussi à la direction du Bullet Club et à The Elite, qui vont s'affronter ben, dans un match haut en couleur, spectaculaire, avec un Cody Rhodes absolument détestable, qui va prendre tous les risques, hein. On va même sortir des échelles, alors qu'on n'est pas sur un ladder match, c'est pas grave. Au bout de 5 minutes, il y a des tables. Voilà, Je c'est me suis ça. demandé s'il y avait une stipulation, à part, je crois que c'était limité à 1 heure. Ouais, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il Mais y avait. sinon, voilà, une incroyable superplexe du haut de l'échelle. Incroyable. Powerbomb Kenny Omega sur Cody depuis le ring jusqu'à l'extérieur du ring sur une table. Table qui ne se Ah cassera pas, oui, malheureusement. c'est ce spot effrayant où le dos de Cody Rhodes arrive seulement à peine à la moitié de la table et donc du coup il glisse Ouais. sur le coin de la table et il retombe sur le cul. Et le passage, donc du coup, juste pour détailler un peu le passage de la super. Comment superplexe du haut de l'échelle. On a d'un côté donc du coup cette table bah, sur laquelle Cody s'est écrasé finalement, mais on a en bas du ring la table et Omega et Cody en haut d'une échelle qui est immense, vraiment très grande échelle. Et donc du coup l'idée de base c'était que Omega fasse une superplexe sur Cody. Jusqu'à l'extérieur du ring sur la table, ce qui aurait été vraiment là pour le coup, c'est un peu trop. Je pense que ça aurait été un peu too much. C'est pas le genre de truc, je pense pas qu'ils tenteront ça un jour. C'est trop. C'est. Tant qu'ils fassent un match avec Ibushi, Ouais. tu verras. Quand ils feront Omega Ibushi, à mon avis, ça, ils nous le placeront, ils nous l'ont baptisé pour rien, à mon avis. D'accord. Mais... Et Ils auraient pu le faire, hein. Tellement on était dans la folie du truc, c'était Ouais. pas impossible, mais c'était tout aussi impressionnant de les voir s'écraser au milieu du ring parce que c'était super haut. Mmh. Et cette power bomb là à l'extérieur, il y a eu d'autres spots aussi incroyables, hein, tout au long du match. Victoire au final de Kenny Omega. On se réconcilie après le match, hein, entre Cody et Kenny. Tout est oublié. C'est vraiment Kenny Omega le plus fort, hein, même si Cody a Enfin, au fait le début, taf. ouais. C'est plus, enfin, dans mon souvenir, c'est plus Omega qui genre doit lui taper sur le dos, etc. Et puis Cody qui s'en va un peu penaud. C'est vrai que le match a progressé de Cody qui catchait ultra heal, enfin qui faisait des choses très très heal au début. Par exemple, il essayait de lui je vais pas dire lui percer les yeux, mais il essayait de lui niquer les yeux au début du match, Kenny. Après, il a essayé plein de sortes de filouteries, etc., en profitant de l'arbitre. Mais à la fin, Cody, il était dans l'esprit de le battre à la régulière, quoi. Après quelques minutes purement heel, après on était dans une vraie rivalité un contre un sérieuse et Sportive, ouais hein, sportive avec avec aussi beaucoup de comédie enfin de comédie de jeux de Young Bucks et de Brandi Rhodes à l'extérieur. Brandi Ouais, Rhodes qui a autour du ring. protégé Cody par deux fois, mais pareil, ça sonnait pas comme Rhodes. Encore que je crois au tout début il se protège avec Brandy, mais la deuxième fois c'est Cody C'est Rhodes elle qui qui, vient. ouais voilà, c'est Omega qui commence à enchaîner les V-Trigger et Cody qui est allongé inerte contre les cordes et Brandy qui vient le protéger et du coup Omega qui s'arrête juste après. Brandy repart. Omega retente son V-Trigger et là il se prend une clothesline de Cody. Les Young Bucks aussi qui ont essayé d'intervenir pour empêcher qu'ils sortent les échelles, pour Ouais, empêcher ouais, ouais. qu'ils sortent les Ceux qui tables, etc. remballaient les tables et les chaises Ouais, voilà. après les Et spots. c'est eux qui tenaient l'échelle du coup pour la. Pour la. Ouais. Parce que c'est vrai que moi je flippais Oui. à ce moment-là, j'étais en train de me dire, mais putain, les pieds de l'échelle, ils sont juste à la limite du ring. S'il y a un incident ou un truc, ils tombent tous les deux à la renverse à l'extérieur. Et en fait, après, j'ai vu quand la caméra descendait que les Bucks, en fait, les Bucks faisaient semblant de dire non, enfin d'être là pour les arrêter, mais en fait, ils étaient là juste pour tenir les pieds de l'échelle. Ouais, il y avait un peu. Voilà, c'est intelligemment joué, c'est Ouais. intelligemment distillé, hein, toutes ces interventions. Voilà, du grand art. Et puis ça s'arrête pas là, hein, puisque après le match, grande célébration du Bullet Club, hein, les Tonga reviennent sous le Titantron, on salue la foule, tout le Bullet Club est réuni, jusqu'à la trahison. La trahison de Tama Tonga qui attaque Kenny Omega dans le dos avec lui Tangaloa et King Haku. Et c'est parti pour un long passage à tabac. Passage à tabac sans fin, hein, j'ai l'impression. Il y a le reste du Bullet Club qui va essayer de les aider. Hein, Yujiro Takahashi, Chase Owens, Marty Scurll, Hangman Page, tout le monde débarque, mais tout le monde se fait taper dessus. Et on se retrouve avec cette nouvelle faction du Bullet Club dissident, The Firing Squad. Et Donc les là-dessus, Tonga. Hein. ouais. Et là-dessus, du coup, après que tout le monde, Ah, il y a Cody Rhodes il y a aussi qui Cody qui débarque. arrive, et donc du coup Cody qui fait face aux Tongans et Tongans qui lui tendent la chaise, genre viens te Vas-y, viens venger, avec nous. viens avec nous, viens te venger. Sois méchant. Et Cody qui du coup fait son face turn total en essayant d'attaquer les Tongans, il se fait massacrer directement. Tout le monde est à terre, hein. Les Tongans ils repartent clean comme ça. Ouais, c'est bon, on a fait notre boulot, on a mis tout le monde à terre. Et après, quand ils se relèvent, Toute la famille, et ça c'était une belle image, quoi. Toute la famille Bullet Club repart unie. Cody, comme le souhaitait Omega dans sa promo, enfin dans le package vidéo avant le match, Cody a compris sa place. Donc, Know on verra s'il a vraiment compris sa place your plus tard. Mais bon, donc c'était vraiment une belle image. De ce Bullet Club. En fait, c'est marrant parce que c'est le Bullet Club nouvelle génération qui, enfin, place. Ouais. qui est du coup maintenant qui fait un front uni contre les vieux briscards qui, d'un côté, ont aussi totalement raison dans ce qu'ils font puisque c'est les Bullet Club OG fondateurs, etc. Et ils ont été complètement oubliés de tout ce de toute cette popularité qu'a eu le Bullet Club ces derniers temps. Ils ont été complètement oubliés ils en ont marre du drama, en Ouais, des fait. main event, hein, ils sont jamais dans le main event, Ouais, voilà. Et etc., c'est sûr, hein. ils en ont marre de ce Bullet Club où il y a des mecs qui font leur tambouille dans leur coin, qui est le chef, etc. Et puis ça fait du drama, etc. Et pour eux, le Bullet Club, c'est pas ça. Le Bullet Club, c'est une faction heel et c'est une faction qui démonte les gens. C'est ça. Ce qui est une très très bonne histoire, quoi. C'est. Ouais, comme nous le mentionne Camille, il y a Bad Luck Fale hein, qui rejoint aussi le Firing Firing Squad. Squad, ainsi que le troisième fils Tonga. Ikuleo, oui, Léo Tonga, voilà. Bon, ils ont peut-être changé son nom. Voilà, donc bon, c'est vraiment le clan des Tonga hein, Ouais. d'un côté. Et Cyril nous dit donc du coup maintenant officiellement il y a Bullet Club OG et Bullet Club Elite. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, bah, je pense que ça va être le fil rouge hein, des mois qui viennent à la New Japan, cette rivalité entre les deux factions. Ouais, moi j'étais à deux doigts de penser que les Tonga allaient partir à la WWE. Parce qu'ils en parlent souvent quand on regarde le network, D'accord. quand ça tourne autour de Finn Bálor, on voit souvent des photos de Tama Tonga, de Bad Luck Fale, parce qu'ils étaient bien potes avec Finn Bálor quand il était à la New Japan. Donc ça m'aurait pas étonné de les voir débarquer pour former une espèce de Bullet Club à la WWE. Finn Mais ma Balor. foi, ben. Non, j'allais dire Finn Balor qui aurait donc du coup. J'ai su ça il n'y a pas très longtemps, qui aurait pistonné avec. Comment il s'appelle en vrai? Lord Tensai. Enfin, Balor Ouais, et. Matt Bloom. Ouais, Balor et Matt Bloom auraient pistonné Juice Robinson pour arriver à la New Japan. Ouais, bon, c'est pas impossible. Ouais, Tangaloa, effectivement, c'était Camacho. À l'époque, la WWE, ça pareil, hein, on voit qu'un gimmick, ça peut tuer un mec, hein, puisque c'est quand même un peu plus convaincant Tangaloa que Camacho. Hein. Faut éviter de faire venir un catcheur en bicyclette à la ring. Voilà, donc un gros fan main event avec du drama, hein, ce qui est pas toujours le cas à la New Japan. On a un côté très très américanisant hein, dans ce show. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait qu'ils ont fait des packagings de résumés Package des des rivalités. Ouais, niveau réalisation, on était à un très bon niveau là, hein, cette année, comparé à ce qui avait été fait les autres années. Ils ont toujours ce petit défaut de louper de temps en temps des Ah, la spots. réalisation. Quand il y a un tag team match, souvent c'est y a quelques petits loupés et beaucoup de plans sur le public. Ouais. Surtout le public de la West Coast qui je trouve est vraiment enfin j'ai trouvé vraiment que les trucs que j'aimais pas dans le public c'était vraiment le côté West Coast où genre dès qu'il y a quelqu'un qui est filmé tout le monde pose, mais comme si on était dans un clip de hip-hop. Tout le monde est en train de faire ouais, machin truc, machin truc. Donc voilà, ils ont filmé beaucoup le public. Ce qui, il me semble, n'est pas vraiment l'habitude de la réalisation japonaise. Non, du tout, du tout. Et voilà, de très proche, etc. Donc, Mais c'est ça qu'il faut faire, hein. S'ils veulent percer aux États-Unis, il faut rester sur cette qualité de C'est un production. C'est chouperet. sûr, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir une réalisation des matchs qui soit aussi efficace que la WWE, parce qu'ils ont des moyens carrément supplémentaires. Mais les vidéos qu'ils ont faites, les résumés des intrigues étaient très bien faites. Il n'y a pas eu de problème de faux raccords, de trucs comme ça, ou de gros bugs comme il y avait pu avoir les autres années. Il faut effectivement, comme tu me l'avais dit en off, qui travaille les entrées, la musique d'entrée, hein, qu'on l'ait pas En écho, ouais. en écho live comme elle est là. Dommage parce qu'il y a des moments, il y a certaines musiques à la New Japan où je sais toujours pas vraiment à quoi elles ressemblent tellement il y a Ouais, tellement il y a c'est d'écho. ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? L'autre truc, mais alors ça je sais pas vraiment comment ils pourraient le résoudre, c'est les enchaînements ou les après c'est des entr'actes de house show. Mais y en a, j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup quoi. Je crois qu'il y avait peut-être 3 pauses de 15 minutes, ou Il y peut-être a, y 2. a, ouais, y a, y a, non, il y en a deux. Il y a un match d'ouverture et après tu as une pause. Et après tu as la moitié du show, une pause et puis l'autre moitié du show. Ouais. Mais ça, pour les gens sur place, c'est quand même mieux, je pense, hein. Pour toi qui as vécu le WrestleMania, je pense que c'est assez délicat d'aller chercher à boire ou d'aller aux toilettes. C'est Ouais. Ouais. Après, ce qu'ils font aussi, la WWE, c'est que ils amènent. Alors, à la télé, du coup, tu fais du remplissage avec des packaging, avec des commentateurs qui t'analysent les trucs, etc. Bon, c'est pas trop dans la mentalité peut-être de la fédération, mais surtout avec JR et Josh Barnett. Parce que. J'avoue que moi j'ai pas été très fan des commentaires. Et puis ah oui, ce qu'on n'a pas dit c'est que JR il était à la rue sur les noms des catcheurs de temps en temps. Il a appelé, je sais plus qui, il a appelé Sanada, je crois que c'était Ishii qu'il a appelé Sanada ou je sais plus qui. Mais Après, il est diminué physiquement, hein, JR. ouais. Mais Moi, je l'aime bien, mais bon, c'est sûr que tant maintenant, qu'à faire, s'il était. c'est dommage de pas juste reprendre Don Callis et Kevin Kelly. Pour les shows aux États-Unis. Bon, après, je sais que JR, ça résonne plus que ces noms-là, Après, mais. je crois que Barnett et Ross, c'est les commentateurs sur Access. Donc, Ah oui, il y a ça aussi, ouais. voilà, c'est pour ça que, comme c'était diffusé en même temps sur Access. Forcément, ben voilà, hein, tu les utilises. Ouais. Voilà. Bon, on a fait le tour de la question, Ouais. parce que ça fait bien 2 heures là qu'on est sur le sujet. Bon, ben, vous l'aurez compris, on n'a pas trouvé de mauvais match, hein, donc si on doit mettre un top à flop, Top un flop une note. ben, y a top à flop à tout le monde et 5 partout, non? Non, allez, on te donne ton top 3 des matchs. Top 3 des matchs, Jay White et Juice Robinson, En quoi? En troisième? c'était historique. Ouais, alors je sais, ça se, ouais, oui, allez, hop, mettons-le en troisième. Qu'est-ce qu'on peut mettre en deux? Le premier, de toute façon, ça va être Kenny Omega contre Okada, hein, puisque Oui. c'était le match du siècle. Et en deuxième position, je vais mettre Takahashi contre Dragon Lee, qui était, malgré le spot final, quand même quelque chose d'exceptionnellement cool. D'accord. Moi je vais juste inverser les positions. J'ai juste mettre Takahashi Dragon Lee en troisième. Deuxième Jay White contre Juice Robinson. Et puis ouais, et puis Omega Okada là, c'est difficile de faire mieux. Et je pensais pas qu'il ferait mieux que Dominion, mais ce G1 spécial San Francisco, c'est un super show. On a rarement Moi vu j'ai mieux. trouvé ça beaucoup plus appréciable. J'avais regardé celui de l'an dernier. Et je pense que Hein. dans l'an dernier, il y avait beaucoup de matchs un peu jetables. Ouais, carrément. Ah non, ils ont augmenté le niveau là. Ils ont pas ramené par exemple Billy Gunn ou des choses comme ça, vous voyez. Ouais, Non, non, rien acheté. Bah, rien acheté sur 2 shows. Hein, la New Japan qui est. voilà. High level, hein. Et si vous High voulez level en ce moment. suivre, si vous voulez suivre donc du coup la suite, le G1 Climax qui a commencé hier. samedi. Ringside, normalement, va faire une vidéo sur chaque. Peut-être Ouais, vidéo rapide chaque journée, chaque journée, voilà. résumé, les résultats, les points qui gagnent, qu'est-ce qu'il faut les regarder, qu'est-ce qu'il fallait retenir. Voilà, on va essayer de tenir ça pendant tout le mois. Hein. Peut-être que je ferai un infarctus entre-temps, Tu l'as mais fatigué. voilà, n'hésitez pas à venir, Si tu je veux, serai je prendrai le content. relais le week-end. Mais on a juste après ça, si vous êtes là en direct, on a un pré-show d'Extrême Rules aussi. Et oui, on bosse beaucoup ce week-end. On vous fait le pré-show d'Extrême Rules un peu en avance, comme ça vous pourrez regarder la finale de la Coupe du Monde. Et puis voilà, il y a aussi énormément de matchs. Je me suis rendu compte du nombre de matchs dans Extreme Rules. Ça va être On costaud va aussi. le faire en express, hein. Ouais. Bah, de toute façon, c'est juste, voilà, c'est juste des pronos. Et puis, on va prendre quand même une petite pause au moins 10 minutes, un Voilà. quart d'heure, l'histoire de se rafraîchir. On vous remercie beaucoup, du coup. Vas-y, j'allais finir. Oh, je t'en aurais pas voulu. D'accord, et ben on vous remercie beaucoup d'avoir suivi donc, ce podcast spécial New Japan. On va essayer de faire ça un peu plus, voilà, un peu plus souvent. C'est un peu difficile parce qu'on suit la WWE en ce moment, enfin en même temps plutôt. Et puis il y a beaucoup de choses à la New Japan. Mais voilà, on va faire ça au maximum. Je vous reparlerai donc du coup, j'avais déjà dit, je vous reparlerai de Stardom très bientôt dans une vidéo. Si vous aimez les fédérations japonaises, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur iTunes, sur PodCloud, sur facebook.com/catchupcdc, twitter.com/catchupcdc, c'est là où on vous poste les horaires, hein, dès qu'on sait à quel moment on va streamer. Abonnez-vous si vous voulez recevoir une notification dès qu'on est en train de C'est streamer. gratos. Oui, c'est gratos. Ringside qui pense que c'est un argument. YouTube gratuit. C'est un truc nouveau qu'on a rajouté il y a quelques jours. C'est si vous voulez faire une petite donation pour nous aider, que ce soit pour acheter du matériel ou des bières à Ringside ou des choses importantes. Et pour l'instant, il a qu'un poster. Mais Ouais, j'ai soif. Donc vous pouvez voilà, vous pouvez faire une donation sous PayPal, c'est un lien qui est dans la description. C'est gratos, gratos. Bah non, pour le coup c'est pas Ah mais gratos. non. Mais faites pas de folie, hein. 1 euro, 2 euros, voilà, on vous demande rien. Et puis de toute façon, si vous n'avez pas d'argent, et bah tout est gratuit sur notre chaîne. Donc voilà. Et puis voilà, on se retrouve pour la vidéo d'Extreme Rules si vous êtes intéressé pour nos pronos. J'ai rien oublié normalement. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch, un bon match de la Coupe du Monde si vous regardez ça avant la finale. Et peut-être, j'espère qu'on a gagné pour vous, même si je suis pas un grand fan de foot. Bon, merci Ouais, je pourrais pas Ringside. t'aider là-dessus. Merci Ouais, je t'en Ringside d'avoir prie. fait toute la Merci à toi présentation. d'avoir pris le relais. Ouais. Et Allez, les on vous amis. souhaite Que de une, bonheur. une, be une beaucoup de bonheur. Tout le bonheur du monde, comme disait la chanson. Ah non, horrible. Oh mon Dieu. Salut.